Ben voilà, il pleut, hein. C'est un peu la saison là, de grosses pluies, puis il y a du soleil, puis voilà, c'est drôle comme temps. Avec du vent aussi. Des fois, il y a des petites rafales comme ça. Voilà. Et moi, j'avais envie de commencer ce micro ouvert avec un petit texte de rien du tout du livre de Günther Anders, L'obsolescence de l'homme. Et il est noté Histoire enfantine. Voilà. On n'en sait pas plus, mais ça dit ceci. Comme cela ne plaisait pas beaucoup au roi que son fils abandonne les sentiers battus et s'en aille par les chemins de traverse se faire par lui-même un jugement sur le monde, il lui offrit une voiture et un cheval. Maintenant, tu n'as plus besoin d'aller à pied. Telles furent ses paroles. Maintenant, je t'interdis d'aller à pied. Tel était leur sens. Maintenant, tu ne peux plus aller à pied. Tel fut leur effet. Aujourd'hui, un micro ouvert sur la marche. Enfin, en tout cas, c'était ça le départ de la rencontre. C'était envie de rencontrer Sylvie parce qu'elle marche. Et alors, elle marche, elle y va, quoi. Je ne vais pas raconter ce qu'on développe là dans le micro ouvert, mais j'avais envie de faire un clin d'œil à Sylvie, parce qu'au bout du bout, je lui disais que ça ressemblait à du développement personnel, quoi, un peu, mais à plusieurs, parce qu'elle ne fait pas ça toute seule. Et puis, elle était étonnée que je dise à plusieurs alors qu'elle marche toute seule. Bah oui, on ne se comprend pas très bien, en fait. Mais l'idée, celle que je voulais dire, c'est que, bah non, Sylvie, tu ne marches pas toute seule. Ce n'est pas un voyage solitaire, tu sais, où tu marches, tu parles à personne, tu ne vois pas grand monde. Tu es seule avec toi-même, quoi, avec ta marche. Non, t'es relié quand même au réseau internet via ton téléphone, tu dois le recharger, t'envoies des photos, des vidéos, tu regardes quelles photos, enfin j'imagine tu réfléchis quelles photos tu vas envoyer, ce que tu vas dire, etc., etc. Donc non, tu ne voyages pas toute seule. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Et ok, d'accord, j'ai entendu que tu détestais. Que tu haïssais même le développement personnel, d'accord. Et comme on a du temps dans ce micro, eh bien, on écoute Jean-Claude Michéa. Et ça n'a pas forcément de rapport avec le micro ouvert. Ou si vous voyez un rapport, eh ben, tant mieux. Vous ne posez pas de questions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que dit la personne, quoi. Ça aide à réfléchir, quoi. Voilà, c'est juste ça l'idée. C'est que si je mets une capsule, je fais la remarque parce que j'ai déjà eu des questionnements par rapport à ça. C'est-à-dire que des fois, on se demande qu'est-ce que cette capsule vient faire dans cette émission. Ça n'a aucun rapport. Cherchez pas le rapport. Des fois, il n'y en a pas. Des fois, il y en a. Vous savez, moi, je verrai un rapport, vous pas. Enfin, voilà, on s'en fout. L'idée, c'est d'écouter quelqu'un qui dit quelque chose et ça peut des fois être intéressant, ce qui se dit. Et j'ai trouvé que ce type-là qui parle, ça posait la question de la communauté, quoi, du collectif et pas de la politique partisane. Hein. Écoutez. Au fur et à mesure que dimanche devient mangedi et un jour comme les autres, tous les rythmes collectifs se désynchronisent. Le slogan du libéralisme, et notamment de gauche, c'est « mon corps, c'est mon choix, ça ne vous regarde pas. Mon temps, c'est mon choix, ça ne vous regarde pas. Mon argent, c'est mon choix, ça ne vous regarde pas. » C'est vrai dans certaines limites, parce que sinon on est dans un système totalitaire. Mais à partir de quel moment l'usage que je vais faire de mon corps, de mon temps, de mon argent, va détruire la vie commune ? L'exemple du dimanche, le libéral dit, mais moi je ne vous empêche pas de ne pas travailler le dimanche. Si vous voulez vous reposer le dimanche, c'est votre problème. Moi j'ai envie de travailler. En quoi ça vous regarde? Je ne gêne personne, je ne nuis à personne. Mais au fur et à mesure que dimanche devient mangedi et un jour comme les autres, tous les rythmes collectifs se désynchronisent. La vie sportive, familiale et associative devient de plus en plus complexe à mettre en œuvre. Et on s'aperçoit au bout de quelques temps que toutes ces décisions présentées comme privées finissent par modifier la vie commune. Et on a parlé du travail le dimanche, mais je dis dans mon texte, essayez de vivre sans téléphone portable, sans ordinateur et sans voiture dans la société moderne. Le choix des autres, ah moi j'ai choisi d'avoir un portable, j'étais le premier à en avoir, j'en suis très fier, a fini par resculpter autrement la vie commune. Et vous, si vous n'avez pas fait ces choix, eh bien vous allez être confronté à des difficultés, des problèmes devenus presque insurmontables. Micro ouvert. 1, 2, 3... Ben voilà, c'est un peu l'idée, tu sais, dans les micros ouverts, il y a souvent une table, il y a une personne en face, des fois c'est dans la rue, hein. Des fois ça bouge, des fois c'est... Bon, mais là, on est à table, pas pour manger, on est à table pour se rencontrer, c'est un petit bistrot ici, tu connais ? C'est un petit café que j'adore parce qu'il est au centre du piétonnier de Namur, exactement au-dessus d'une coquille qui indique le chemin de Compostelle. Et dans la façade, il y a une magnifique potale avec une vierge. Je ne sais pas s'il l'a vue en rentrant, elle est juste derrière nous là. Et donc cette petite salle à l'étage, elle a un petit côté magique. Et j'adore y recevoir des pèlerins justement pour les initier au chemin de Compostelle ou d'autres chemins et leur donner envie de partir. Voilà, on commence comme ça et c'est Sylvie, voilà, je vous présente Sylvie avec son Radio Camino. Ben voilà, j'ai eu envie de rencontrer Sylvie parce que elle marche. Après tu vas me dire, mais tu marches quand même, parce que hors micro tu me disais que c'était pas la marche ton truc. Enfin, explique-moi déjà, et présente-toi et rajoute ce que t'as envie. Donc c'est Sylvie, effectivement, j'ai 53 ans, je viens de la région de Liège en Belgique, et j'ai découvert les chemins de Compostelle il y a environ 15 ans. Et c'est vrai qu'avant ça, je ne marchais pas, et je ne suis pas spécialement une fanat de marche, donc voilà, je ne viens pas vous expliquer comment on fait de la randonnée, parce que moi-même, je ne suis pas du tout randonneuse. Par contre, j'utilise la marche pour des grandes traversées de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, quand je peux me le permettre. Et le chemin, avec un grand C, que ce soit de Compostelle ou d'autres, il m'aide à avancer dans ma vie et il me sert un peu à la fois de thérapie, de terrain d'expérimentation, d'outils pour répondre à mes questions sans y réfléchir, puisque c'est les pieds qui... On dit quand on marche, c'est les pieds qui prient, bah, ils font même encore beaucoup plus que ça. Hein, les pieds ils donnent plein de réponses à nos questions. Donc c'est une vraie passion pour le chemin, dans ce sens de métaphore de nos chemins de vie. C'est ça que tu veux dire quand tu dis la différence entre marcher et la rando, c'est ça que tu fais comme différence. Mais oui, t'as des vidéos qu'on peut aller voir, t'es quand même une troll de nana, quoi. À 53 ans... Ça va, c'est tout jeune. Non, mais t'es une troll de nana parce que tu pars comme ça avec un sac à dos ni plus ni moins, t'as pas de tente... Dernièrement, j'ai vu aussi que tu avais fait une petite vidéo quand il a neigé, là, ici, maintenant, pour même aller dormir. Ouais. Mais qu'est-ce qui te prend ? Alors, c'est vrai que la marche, pour moi, c'est un véhicule qui est très simple, puisqu'il suffit que tu ouvres ta porte, tu mets ton sac sur le dos et tu peux marcher. Donc, c'est accessible absolument à tout le monde et à tout instant. Et il n'y a pas besoin d'aller au bout de la terre pour faire de la marche. Tu peux la faire, voilà. Et ici, notamment, j'avais envie de célébrer le solstice d'hiver, donc la nuit du 21 au 22 décembre. Je suis partie pour deux petite journée de marche, hein, courte, hein, parce que les journées sont très courtes, avec un lieu de bivouac que j'avais repéré, effectivement, et qui est une petite cabane adorable dans le Condro, namurois. Et donc, j'ai passé la nuit au milieu des arbres dans cette petite cabane pour repartir le lendemain. C'était ma façon à moi de me reconnecter à la saison d'hiver, à vivre justement cette transition ou le moment où le soleil va recommencer enfin un petit peu à remonter. Et en fait, j'avais besoin juste de me remettre au diapason de l'hiver, donc avoir une très très longue soirée au coin du feu, puis dans mon lit, et devoir attendre le matin que le jour se lève pour pouvoir partir. Donc le bivouac en tant que tel, c'est pas non plus un but, c'est juste aussi un moyen. d'expérimenter. Et notamment, j'aime beaucoup le bivouac en hiver parce que j'aime mieux la forêt en hiver qu'en été. En été, elle est humide, il y a beaucoup de petites bestioles, des tiques, des moustiques, c'est moins sympa. En été, je dors plus facilement à la belle étoile, à la belle, quoi. Et ils s'entendent, quoi. Ah bah, s'entendent, tant qu'à faire. Et en hiver, bah, si je n'ai pas de cabane, je dormirai quand même dans une tente. Hein. Donc, je ne suis pas non plus maso, ni équipée pour ça. Mais j'aime bien d'aller me reconnecter à la forêt, à la terre-mère. J'adore dire, je dors avec mon cœur contre la terre. C'est vraiment ça que je ressens quand je peux me poser sur la terre et lui confier ma fatigue, mes soucis, mes problèmes, ma joie aussi. Hein. Et je sais que la terre, elle va tout composter, d'ailleurs. Composter, compostelle, hein. Il y a un truc. Ah, pas mal, bravo. Mais donc l'idée, c'est de. Tu me dis si je me trompe, hein, mais ça donne cette impression. C'est d'aller dehors aussi, c'est sortir de nos tanières, de nos maisons, de nos ordis, de tout ça, quoi. Et c'est d'aller un peu à l'aventure parce que tu dors n'importe où, quoi. Non, mais c'est génial. Alors qu'aujourd'hui, on est dans un monde aussi très tu sais comment on dit là, on réserve, on va dormir dans des hôtels. Toi, c'est d'une simplicité, quoi. C'est assez surprenant. Hein. C'est génial, moi, je trouve. Alors, il y a deux choses dans ta question. Donc, la première chose, c'est effectivement, c'est se mettre en mouvement. Parce que ça ne sert à rien de rester sur place si on a un truc qu'on a envie de régler dans sa vie. Moi, la marche, elle est la métaphore du fait de se mettre en mouvement vers l'envie de solutionner ou de trouver des réponses ou même de traverser ce qu'on a à traverser. Et le lâcher prise dans le fait de ne pas réserver, ben c'est surtout, c'est par paresse d'abord, parce que ça m'ennuie d'avoir mon téléphone et de devoir commencer à planifier. Mais c'est surtout parce que j'ai l'impression que quand j'ai planifié quelque chose, j'ai coupé justement l'expérience, puisque j'ai déjà programmé l'expérience. Alors que justement, mon but en partant marcher, c'est de laisser complètement libre ce qui doit se passer. Donc le matin, je ne sais pas où je me poserai, comme un oiseau qui se lève le matin, il ne sait pas sur quelle branche il dormira le soir, en général. Donc l'idée, c'est vraiment de laisser la libre, totale liberté à ce qu'on peut appeler la providence, hein, mais, ou le heureux hasard, ou tout ce qu'on veut, de faire son boulot. Et en fait, le moins possible, lui couper les ailes, lui laisser venir, voilà. Donc en été, vers 9h du soir, 9-10h du soir, quand le soleil commence à baisser et se coucher, là, je commence à me dire, tiens, où est-ce que je dormirai? Mais je ne dors pas n'importe où. Je trouve quand même un bel endroit, avec une belle exposition, plein ouest, dans un joli champ, avec une belle vue, où moi, je ne suis pas vue. Donc, j'ai quand même des critères très, très sélectifs. Oui, je me doute bien, hein. C'est pas comme ça n'importe comment non plus. Hein. Je bivouac dans des lieux de luxe, quoi, des petites chapelles, des endroits, voilà, souvent des endroits magiques quand même. On t'a entendu plusieurs fois parler de croix et de chapelle. C'est quoi ton rapport à ça, alors ? Le chemin de Compostelle, c'est quand même un chemin qui a été repris par la religion catholique. Moi, je suis quand même élevée dans la tradition catholique. Étant belge, on n'a pas tellement le choix en soi. Et donc, il y a quand même une... Moi, j'aime beaucoup le sacré qui est autour des cultes. Bon, puisque nous, on a la chance d'avoir des messes encore un peu à gauche, à droite. J'aime bien aller à la messe parce que... Quand tu dis nous, c'est qui ? Nous, les Belges, je veux dire, hein, par rapport à la France où il n'y a plus de curé, par exemple. Donc, on a encore ici en Belgique, en Wallonie, notamment à Namur, hein, beaucoup de paroisses actives. Donc ça, c'est encore chouette. Mais j'y vais parce que j'ai ce respect pour le sacré. Et j'aime bien aussi ces moments où on se pose complètement et on sait que pendant une heure, on va écouter une parole, on va chanter, on va être dans un moment de méditation. Voilà, je suis assez touchée par le message de l'Évangile, le message du Christ. Je pense que c'est un mec vraiment balèze. J'adore. Ouais. Alors, est-ce qu'il était Jésus, tu parles. Je ne sais pas, mais Jésus, oui, il a quand même dit des trucs extraordinaires, enfin, sur l'amour. Comme quoi ? Comme quoi, par exemple ? Que la priorité, c'est quand même de s'aimer les uns les autres et de s'aimer soi-même. Je veux dire, c'est hyper révolutionnaire en soi. Et c'est tellement vrai aujourd'hui. Donc voilà, après, je ne vais pas faire du prosélytisme parce que je suis aussi très attirée par les rituels chamaniques ou par. Ce qui est sacré, quoi, c'est ça ? Ou qui crée du lien. Mais aussi ce qui est énergétique. Je trouve que c'est super intéressant d'aller dans des anciens lieux de culte pré-chrétiens parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous connecte à l'invisible, voilà, et de l'énergie, ou on l'appelle comme on veut. Et donc, tout ça me fascine. Alors, je ne connais pas grand-chose, mais je trouve qu'en marchant, on est plus sensible, justement, à la... à la vibration d'un lieu, quand on y arrive à pied, quand on arrive à pied dans la cathédrale de Chartres, ou quand on arrive à pied au Mont-Saint-Michel, ou à Rocamadour, ou au Puy-en-Velay, ce sont des villes où vraiment il se passe quelque chose. Et c'est quand même beaucoup plus fort quand on y est arrivé à pied par des chemins qui ont été empruntés depuis la nuit des temps, donc bien avant le christianisme, par des gens en quête. Donc c'est ça aussi qui me plaît dans les chemins, c'est cette histoire du sacré, et clairement Compostelle et le Finistère, donc l'Atlantique espagnol, sont des lieux qui ont été utilisés pour des cultes depuis très longtemps, puisque c'est le bout de l'Europe, c'est là où le soleil mourait, et on croyait que c'était la fin du monde quelque part, cet endroit-là, et tous les matins le soleil renaissait, c'était incroyable en fait, et donc les hommes avaient vraiment déjà là-bas un culte qu'on peut d'ailleurs retrouver si on se promène un peu autour de l'arrivée de Compostelle. On retrouve encore des rochers avec des cupules, des lieux de culte. Donc, voilà. Et une énergie très particulière qu'on ressent ou pas. Et tout est bon. Hein, voilà. Oui, mais j'ai envie juste aussi de dire, parce que je suis occupée... j'allais dire, il faut que j'arrête moi aussi, parce que sinon je répète un peu, mais l'histoire de la... Il y a l'histoire de Jésus, ok, c'était sûrement un incroyable bonhomme. Et puis il y a l'histoire de ce qu'on en a fait après. Mm-hmm. Oui, est-ce que tu relis les deux ou bien Écoute, l'institution, c'est des hommes, donc les hommes, ils font des conneries, hein, ça c'est clair. Non mais attends, quand tu lis l'histoire, parce qu'on vient. Je suis sensible à ce que tu dis. Hein. On parle de sacré, tu parles des vieux chemins, de l'histoire, des chemins qui ont été empruntés dans l'histoire et tout. Du coup, moi, j'ai envie de faire le lien aussi avec cette histoire-là, c'est-à-dire tout. Attendre, on peut pas. Tu peux pas faire comme si ça avait pas existé. Hein. Les croisades, tout ce bazar, tout cet argent volé des gens pour créer. Pour moi, c'est les hommes. Donc ça, c'est une chose. C'est l'Église dans son passé. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus parce que j'y étais pas, donc je sais pas. Mais effectivement, ça m'intéresse pas en fait en soi. Moi, je veux revenir au message de Jésus. Jésus, il était pèlerin, il se baladait avec des bonhommes, il dormait aussi à la Belle Étoile. Et après, dans l'Église, il y a des très belles figures. Si tu prends saint François d'Assise, si tu prends des gens comme saint Jean-Benoît Labre, il y a aussi des personnages vraiment très inspirants qui étaient dans l'Église. Et moi, c'est cela qui m'intéresse. En fait, moi, ça me m'intéresse pas de voir le négatif, je préfère me focaliser sur le positif et ce que ça peut nous apporter aujourd'hui de suivre les pas de saint François ou de suivre les pas de... Il n'avait pas fait vœu de pauvreté, lui, justement, il était en dehors de l'Église, hein. Je connais un peu. Hein. Mais il essayait de changer. Il défendait les pauvres, justement. Tout à fait. Et en plus, bon, voilà, moi qui ai pu marcher sur ses traces à saint François autour de tous les lieux où il a vécu, autour d'Assise, donc en partant de l'Averna, donc là où il a reçu les stigmates, donc les traces de la crucifixion, tellement sa foi était profonde et incroyable. Et puis il a voulu reconstruire l'église, mais il croyait qu'il devait remonter des petites églises, des petites chapelles. Et donc il allait dans des petites chapelles dans la montagne, mais qui sont aussi des lieux avec une énergie extraordinaire. Et puis saint François, il a eu une relation avec sainte Claire, un amour absolu, un amour divin, un amour agapé, qui est merveilleux, qui illuminait toute la colline d'Assise. Enfin, je veux dire, pour moi, voilà, il y a quand même des personnages dans l'histoire de l'Église qui sont super, super inspirants. Et là, j'aime beaucoup marcher sur leurs traces. Donc, pour moi, il y a certains saints qui m'inspirent. Il y a des personnes qui me parlent beaucoup de Marie-Madeleine. C'est vrai que c'est aussi un chemin qui peut être intéressant de suivre les traces de Marie-Madeleine, même est-ce qu'elle est venue en France. Voilà. Alors, je ne l'ai jamais fait. Moi, j'ai suivi aussi les traces du Mont-Saint-Michel. Donc, l'archange Michel, bon, ça date d'avant le christianisme aussi. Passionnante figure. Donc, il y a des choses très intéressantes. Cet été, je suis partie voir là où était né Saint-Martin. Saint-Martin, c'était ce Romain, ce légionnaire romain qui avait coupé son manteau en deux pour le donner à un pauvre. Alors, imagine le beau légionnaire richissime qui vient de Pannonie, donc du fin fond de l'Europe, et puis qui arrive à Amiens et il voit ce pauvre gars en train de mourir de froid et il coupe son tout beau manteau de légionnaire. Alors, pourquoi il le coupe? Parce que la moitié appartenait à César et la moitié lui appartenait. Donc, il offre sa moitié aux pauvres. Mais quel symbole dans le monde de l'époque, quoi. C'est juste fou. Donc, ça, c'est des personnes, moi, qui m'inspirent. Et je jette pas tout, tu vois. D'accord. Mais je prends ce qui m'arrange. D'accord. Donc, tu fais quand même avec l'église, quoi. C'est ça, en fait. Hein. Tu fais quand même avec ce qu'a été l'histoire ensuite de Jésus, comment elle a été transformée. Tu prends le meilleur de tout ça, quoi. L'église, il y a des gens super. Enfin, moi, j'ai un curé qui est génial. J'ai déjà été accueilli dans des paroisses par des gens vraiment sympas, qui sont des laïcs, mais qui sont quand même, qui vivent leur foi. J'ai été accueilli par des petites bonnes sœurs touchantes et vraiment qui vieillissent en mûrissant, qui sont une bénédiction pour les gens qu'elles croisent. Donc, bah oui, il y a des trucs super dans l'église. Enfin, bon, on n'est pas sur RCF non plus, mais c'est ça, quoi. Mais donc, c'est vrai qu'en ambiance Radio Camino, Compostelle, d'office, ça fait aussi... ceci dit, il y a plein de gens maintenant, aujourd'hui, avec le monde moderne, qui vont marcher, qui vont faire de la rando, comme on disait au début, la différence entre marcher et de la rando, et qui sillonnent les chemins de Compostelle, et au mois de juillet, au mois d'août, c'est la folie, quoi. Alors, je vais t'expliquer ce que ça veut dire Radio Camino. Donc, ce n'est pas une radio. Radio Camino, c'est à l'époque où les pèlerins marchaient jusque, par exemple, Saint-Jacques et revenaient, puisque fatalement, ils n'avaient pas un avion ou un train pour rentrer. Donc, ils se croisaient. Et en fait, sur le chemin, ceux qui allaient donner les bons filons à ceux qui revenaient, inversement. Tiens, il y a telle personne derrière, il y a telle auberge qui est pas mal devant. Et donc, Radio Camino, c'est l'échange entre les pèlerins qui vont et qui reviennent. Et moi, c'est ma... L'échange verbal, alors. L'échange verbal, exactement. Et donc, moi, ma philosophie dans ce que j'ai envie de proposer, c'est le chemin m'a tellement offert, m'a tellement apporté que maintenant, c'est à mon tour d'apporter aux autres. Et donc, c'est juste dans une idée de partage, en fait, d'expérience et donc de rendre ce que le chemin m'a donné. Donc, Radio Camino, c'est plutôt ça, en fait. Et c'est né quand, ça ? Écoute, c'est né lorsque j'ai fait mon tout premier pas. Donc, c'était en 2008, en septembre 2008, quand j'ai découvert qu'il y avait une coquille à Marche-les-Dames tout près de chez moi. J'ai cherché sur Internet et je n'ai pas trouvé d'explication. Et puis, je me suis dit, si moi, je dois aller jusque... Alors déjà, j'espérais aller jusque Vézelay, ce qui est quand même déjà 670 km. Donc, c'était déjà absolument insurmontable à mes yeux. Je me suis dit, pour que je reste motivée, je vais créer un blog... Et comme ça, je pourrais marquer tous les jours mes étapes. Et donc, je me dis comment je veux l'appeler. Oh, tiens, voilà, sympa, Radio Camino. J'ai réservé le nom de domaine. Et j'ai écrit mon premier article après avoir parcouru ma première étape qui était Marche-les-Dames Namur. Oui, quand tu dis ça va me motiver, quoi, parce que tu te filmes, voilà, tu es une youtubeuse, tu es une vieille youtubeuse un peu. Alors, en 2008, il n'y avait pas YouTube, ou en tout cas, moi, c'était hors de mes moyens, donc c'était juste raconté, en fait. C'était des textes, donc vraiment le blog à l'ancienne, quoi. J'avais même pas d'appareil photo à l'époque. Mais j'avais envie de témoigner déjà, et puis ça me mettait un peu le pied à l'étrier, en fait. Hein. Tu commences un truc, tu vas le continuer, quoi. Parce que tu n'avais aucune. Notion de tout ça, tu ne marchais jamais, c'était pas ton truc, quoi. En fait, le chemin est tombé sur moi, mais vraiment dans ma vie, au pire moment, parce que je venais d'accoucher 10 mois plus tôt, j'allaitais mon troisième enfant, j'en avais déjà deux en maternelle et en primaire, j'avais lancé mon entreprise 2 ans avant, j'avais un mari, une maison, un potager, enfin, vraiment la vie qui, à 34 ans, où t'es pas du tout prête pour faire ce genre de truc, quoi. J'avais autre chose à faire. Et donc, oui, j'avais aucune idée que j'allais y arriver. En plus, Pourquoi t'as eu cette... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme la foi, là. C'était tombé dessus, ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Alors ça, c'est une longue histoire, par contre. Elle est pas racontable. Elle est bien racontable en cours. On était donc en 2008, et le 8 du 8 2008, là, qui était le jour de l'inauguration des Jeux Olympiques, parce que ça portait chance, cette date, Moi, c'était à Pékin, et moi, j'ai appris ce jour-là la nouvelle la pire que je pouvais imaginer. Ma maman, je suis la fille unique, était atteinte d'un cancer au poumon, inopérable, et voilà, elle en avait pour 3 mois à vivre, quoi. Et ça, paf, ça me tombe dessus comme ça, du jour au lendemain, sans préavis. Et là, tout s'écroule, en fait. Ma vie, vraiment, va basculer, je le sais. Pourquoi? Parce que tu étais attachée à ta mère? Pour plein de raisons, aussi matérielles, pratiques, parce que voilà, j'allais devoir reprendre la succession de ma maman dans certains trucs qui n'étaient pas du tout le moment pour moi. Et donc, c'était vraiment un peu la cata. C'était aussi horrible de perdre sa maman. Et puis, 20 jours plus tard, le 28 août, c'est mon père qui était champion de parapente en Savoie, qui venait de gagner un concours de longue distance en parapente, qui se tue dans un accident. Baf ! Et donc, voilà, coup sur coup, j'ai deux cataclysmes dans ma vie. Et alors, ce qui est un peu incroyable, c'est qu'entre les deux, on avait quand même réussi à partir un petit peu en vacances et on était allé à au Puy-en-Velay, mais sur base du guide Michelin, parce qu'il y avait 3 étoiles, quoi. Pas du tout, parce que j'avais un intérêt, je ne savais pas du tout ce que c'était le Puy-en-Velay. Et là, j'ai découvert qu'il y avait une Vierge Noire qui était quand même vraiment très impressionnante, et que c'était un départ pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Je pensais d'ailleurs le seul départ. Et j'ai déposé, en fait, mon poids là, de la maladie de ma maman, tout en sachant qu'il n'y avait rien à faire, donc je n'ai pas demandé sa guérison, j'ai juste déposé ça. Et j'ai quand même mis une intention de prière dans l'urne que les pèlerins dépouillent chaque matin pour partir. Donc en me disant, sous le Saint-Jacques, là, il y aura peut-être quelqu'un qui prendra une prière pour ma maman. Et voilà, qui sait. Mais voilà, je laisse ça là. J'apprends le décès de mon papa, donc c'est aussi de nouveau le gros tsunami. Je gère tout, bien sûr, parce que ma maman n'était pas du tout à ce moment-là en état de gérer ça. Et je rentre ici à Namur pour la rentrée des classes, voilà, avec mes enfants. Et mon téléphone sonne un matin, j'étais à Namur, en ville, et c'est ma maman. Et elle sortait de l'hôpital et elle me dit, Sylvie, écoute, tu ne vas pas me croire, mais mon médecin est hyper mécontent, il ne comprend pas, mais la tumeur a totalement disparu. Gloups. Je lève les yeux et j'étais rue Saint-Jacques, en dessous de la plaque rue Saint-Jacques. Tu fais le truc vraiment fou, quoi. Et donc, je rentre dans une librairie qu'il y avait encore là-bas à l'époque, qui est une librairie de voyage, et je dis, monsieur, je voudrais tous les guides du Puy-en-Velay à Saint-Jacques-de-Compostelle, je pars. Voilà. Un peu vraiment poussée par ce truc qui me tombe dessus, et qui est un vrai miracle, en fait. Et je rentre chez moi, je vais chercher ma fille chez sa gardienne, donc la petite qui avait 10 mois, là. Et je me gare comme d'habitude à côté de l'abbaye de Marche des Dames, et là, qu'est-ce que je vois sur un piquet, là où je me gare tous les jours, mais que je n'avais jamais vu, une coquille Saint-Jacques. Et en fait, je découvre que le chemin de Saint-Jacques passait à côté de chez moi, dans mon village, et qu'il passait aussi à Namur. Donc le lendemain, j'ai mis mes bottes, j'ai déposé ma fille, j'ai pris congé, je suis allée jusque Namur en suivant les coquilles, je suis retournée rue Saint-Jacques, évidemment, puisque le chemin arrive bien là. Je suis rentrée dans la librairie, je dis au gars, mais c'est quoi cette histoire? Vous m'avez vendu des bouquins de Puy-en-Velay alors qu'il y a un chemin ici en Belgique? Ah ben oui, madame, il y a un chemin qui part d'Aix-la-Chapelle et qui arrive ici à Namur, et un autre qui va de Namur à Vézelay. Voilà, encore 2 bouquins, tenez, ça fera 47 euros. Et donc, je me suis retrouvée avec tous les bouquins de Saint-Jacques et en me disant, bon, ben maintenant, qu'est-ce que je fais? Et en fait, c'était plus fort que moi. Ce que je vivais était tellement énorme, mais je ne pouvais évidemment pas plaquer ma fille ni mes enfants comme ça tout de suite. Mais je me suis dit, le 1er juillet de l'année prochaine, je pars à Saint-Jacques, ou je pars vers Saint-Jacques, je verrai où j'arrive. Je pars quelques semaines, on verra bien. Et d'ici là, je marche une fois par semaine, une journée complète. Et là, j'étais déjà en chemin, en fait. C'était incroyable. Je suivais les coquilles et c'était magique. À chaque fois que je voyais une coquille, j'avais l'impression que j'avais mon papa à côté de moi, qui avait vraiment... Voilà, et je suis partie donc, pour dire merci, en fait. Oui, oui. Voilà. C'est ça que je comprends. C'est que tu perds ton papa, ta maman est sauvée, et toi, là-dedans, tu te dis... C'est comme après un combat de boxe, quoi. Tu dois vraiment reprendre tes esprits parce que tu sais pas où tu es là. Y a tout qui, c'est un tel tourbillon. Et donc la marche, ça m'a permis juste de me poser, de réaliser ce qui m'arrivait. Et puis un deuil quand on a un accident comme ça, c'est pas évident. On s'est pas dit au revoir. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait voulu dire. Donc c'est important que tu dises ça parce que je. Ouais, donc en fait j'ai marché pour dire à mon papa que je l'aimais parce que j'avais jamais su lui dire de son vivant. Et donc ça m'a pris quand même 4500 km alors que Saint-Jacques c'est la moitié parce qu'il y avait beaucoup de choses à lui dire et beaucoup de. Voilà, donc j'ai cheminé d'abord dans la joie, mais aussi dans ce processus de deuil et de lâcher mes culpabilités, d'arriver à pacifier une relation qui n'était pas de son vivant, mais qui devait l'être quand même. C'était très important pour moi. Et en fait, je suis même passée par l'endroit où il est décédé, qui est à côté du lac d'Annecy. Donc c'est pas tout à fait le chemin direct pour aller à Compostelle en venant de Namur, mais en fait, c'est un chemin de Compostelle aussi. Donc, j'ai réalisé qu'il y avait des chemins de Compostelle un peu partout. Et donc, voilà, ça a été donc un chemin plein de détours jusqu'à ce que j'arrive vraiment à Saint-Jacques. Donc, je suis partie le 1er juillet 2009, vraiment pour un long chemin jusque Vézelay, enfin long, un petit mois. Et puis, chaque année, j'ai marché 40 jours. Et en août 2014, je suis arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis là, j'ai vraiment dit, ben voilà, c'est fait, maintenant je suis arrivée, c'est bon. C'est fini, on n'en parle plus. Exactement. Et je suis quand même marchée jusqu'à l'Atlantique, là, jusqu'au Finistère, le Fistera galicien. Et là, j'ai vu quand même qu'il y avait un truc marrant, c'était un poteau pour la paix. et une petite coquille. Alors, c'était plus une coquille, c'était une colombe qui indiquait le chemin de Jérusalem dans l'autre sens. Alors, c'est resté là dans un coin de ma tête. Et puis, l'année suivante, j'ai dit à mon mari, tu sais, maintenant, j'ai fini, donc tu vas m'avoir sur le dos tout l'été, là. Hein. Et puis, il me dit, t'as qu'à faire le retour. Hein. Et puis, je l'ai pris au mot et je suis repartie en 2015 de Compostelle. Et là, ça a été une expérience... Toujours toute seule, alors ? Alors, toujours toute seule, parce que, d'abord, je suis très lente, j'ai un rythme tout à fait aberrant, puisque moi, en général, je commence à marcher vers 17h, parce qu'avant, le matin, j'aime bien de me poser, d'aller me baigner, de faire un petit resto, de dormir, de boire des cafés, de papoter. Sérieusement ? Oui. Donc, moi 17h, c'est l'heure où mon turbo est enfin un petit peu chaud. Et mais 17h en plein été ? Oui. Bien sûr, oui. Donc, jusque 22h. Donc, tu peux facilement parcourir une belle étape entre 17 et 22h. Et puis, je me pose. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est mon rythme. Et puis, ça me permet un peu d'avoir le chemin pour moi toute seule aussi. Quand tu disais, il y a de la foule, c'est vrai, mais pas tout le temps. À partir de 14h, il n'y a personne sur le chemin. Donc, déjà, pour trouver quelqu'un qui a envie d'avoir un rythme comme ça, quelqu'un qui marche une heure, qui s'arrête 2h, qui repart peut-être, peut-être pas, qui se baigne, qui... il faut déjà trouver. À mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Et quoi, t'as déjà fait la route avec quelqu'un ou d'autres ? Mais quelle question indiscrète ! Ouais. Non, j'ai eu ma fille. Alors, mes trois enfants m'ont accompagnée pour un petit bout. Avec eux, c'était super chouette, mais une semaine maximum. Après, c'est bon, quoi, les enfants, il ne faut pas pousser. J'ai une amie qui a marché un petit bout avec moi entre Conques et Rocamadour et qui m'a dit, après coup, « Ah, Sylvie, avec toi, c'est que du bonheur, en fait. C'est la douceur. » Voilà, j'ai une amie qui a parcouru avec moi la Via Arduina. Donc en Ardennes, ici en Belgique, entre Malmedy et Aviot, Orval, le Mont Saint-Walfroid. Donc j'ai déjà marché avec d'autres et ça s'est super bien passé. C'est très chouette. Ouais, ouais. Tu dirais pas l'inverse, hein. J'adore. J'adore parce que tu vois, ça fait un peu comme si tu étais yeah. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais marcher seul, je te taquine. C'est super. Mais non, mais c'est une question sérieuse. En fait, marcher avec la personne qu'on aime, c'est génial. Franchement, je pense qu'il n'y a pas mieux. Mais il y a des moments de la vie aussi où on a besoin de le faire seul parce qu'on doit vivre quelque chose pour soi et à soi. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui ont envie de partir seules à un moment de leur vie où... Même à un moment dans l'année aussi, on a, mm-hmm. tu vois, c'est pas... Tout à fait. Mais c'est pas une obligation d'être seule par pénitence, quoi. C'est seule parce qu'on a besoin. Moi, j'étais pas seule, j'étais avec mon papa. Il me faisait des signes tout le temps, c'était très fort. Donc, j'avais jamais un sentiment de solitude. Puis, comme j'étais très joyeuse, les gens, ils venaient vers moi. Il y avait des rencontres au bord du chemin, tout sympa. Un petit café, quelqu'un qui te donne un fruit de son jardin. C'est pas des immenses rencontres. Par contre, j'ai pas... Alors, c'est très marrant parce que moi, j'ai fait... pas beaucoup d'amitié avec des pèlerins en allant jusque Saint-Jacques. Et quand même, je me suis dit, c'est un peu bête. En plus, je parle 5 langues, donc j'aurais pu, vraiment. Et j'avais pas envie. J'avais envie de vivre mon chemin à moi jusqu'au bout. Et puis, pour le retour, par contre, je me suis dit, quand même, tu vas rencontrer maintenant des gens. Alors, ça tombe bien, parce que dans le retour, tu rencontres... au début, tu rencontres jusque 10 000 pèlerins par jour. Donc, il n'y a pas de problème pour les rencontres. Et en plus, je me suis dit, ce serait sympa de leur donner quelque chose que le chemin m'a apporté, je vais leur donner des free hugs, tu vois, des câlins. Donc, je donnais, entre guillemets, de l'amour universel à toutes les personnes que je croisais. Alors, elles n'en voulaient pas toutes, de mes câlins. Je prenais beaucoup de râteaux. Mais j'arrivais aussi à être dans une espèce d'état d'esprit où je pouvais aussi bénir les personnes en silence. Et je voulais vraiment bénir. Bénir. Alors, ça, c'est aussi un concept. Ah ouais, là, tu utilises des mots. Là. Alors, la bénédiction, c'est dans toutes les religions. Hein, c'est pas du tout chrétien. C'est pas que chrétien. C'est souhaiter pour une personne le meilleur du monde, en fait. Donc, vraiment, faire en sorte que descende sur elle une espèce de douche de lumière et de... Peut-être tu te faisais bénir aussi, alors ? Parce que tu dis « je bénissais » et tu... Alors, non. Non. Ici, j'allais dans l'esprit de rendre ce que j'avais reçu, donc de donner. Et je n'avais rien, aucune attente. En fait, c'est très catho, mais ce n'est pas grave. Mon mantra, c'était la prière de Saint François, « fais de moi un instrument de ta paix ». Donc, je ne cherche pas, moi, à être consolée, mais bien consoler. Je ne cherche pas à être comprise. Il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas du tout cette démarche un peu bizarre. Mais moi, j'essaie de comprendre pourquoi eux réagissaient comme ça. De quelle démarche un peu bizarre ? De se jeter sur les gens en leur proposant un free hug à l'envers du chemin de Compostelle. Il n'y a pas des masses de folles qui font ça, en fait. Oui, et pourquoi, surtout ? Et pourquoi ? Mais en fait, qu'ils ne cherchent pas non plus à comprendre. Eux, je leur donnais de l'amour. Et en fait, c'était très beau parce que les personnes étaient... Mais est-ce que c'est sincère ? Écoute, c'est pas le mien d'amour. En fait, tu te rends très vite compte que t'es juste un canal, en fait, et que tu offres à la personne tes bras et ton cœur, et puis il y a quelque chose qui vient d'en haut, tu sais pas quoi, et qui passe par ton cœur et qui rentre dans le cœur de la personne. Je sais pas l'expliquer autrement, comme une chaleur, comme une lumière, et tu offres à la personne, juste ce moment, cet espace. C'est très particulier en fait. Oui, parce que ça peut arriver une fois occasionnellement, mais pas l'industrie du câlin. Ah, quoi, moi je faisais. Je le vois comme ça. De 8h à midi, et enfin midi même à 14h en fait, tant qu'il y avait des pèlerins, et j'en embrassais pas mal parce que ma moyenne de marche c'était 500 mètres à l'heure. Donc en 4 heures, je marchais 2 km en moyenne. Ça, c'était ma moyenne, donc j'en faisais beaucoup quand même. Et alors, ce qui était très étonnant, c'est que j'ai des personnes que je voyais maximum 5 minutes, hein, c'est pas très long, un câlin, plus coucou, au revoir, et que j'ai recroisé des années plus tard dans des lieux totalement différents, parfois même à vélo alors que j'étais à pied, et qui m'ont reconnue et qui m'ont dit « Je me souviens de toi, tu m'as donné un câlin ». J'ai même des gens qui avaient ma photo dans leur téléphone, qui l'avaient encore, et ça m'est arrivé 4-5 fois. Mmh. Et des personnes qui sont restées en contact avec moi juste après un câlin. Donc c'était quand même pas rien, quoi. C'était un truc. Il y a des gens qui m'ont dit, et ça m'a vraiment étonnée la première fois, « You made my day ». Tu as fait ma journée. T'as fait ma journée, mais attends, ils sont sur le chemin de Compostelle, ils vivent leur meilleure vie, et moi je leur donne juste un câlin, et moi j'ai fait leur journée. Mais c'est incroyable, en fait. Et après, j'ai réalisé qu'il y avait des gens qui avaient besoin qu'on leur donne un petit signe d'amour. En règle générale, quand tu réfléchis sur la nature humaine, on a tous besoin de... Ben, comment tu dis, toi ? Alors, ça s'appelle les free hugs. Mais non, mais on parlait... Non, tu disais de besoin d'amour ou oui, de reconnaissance. Oui. D'amour, oui, clairement. D'amour. Ben, tout le monde a besoin, il n'y a pas, des gens... Tout à fait. Mais moi, je pensais que les gens qui étaient sur Compostelle étaient déjà comblés par le chemin, par les prières, par les rencontres. Ben non, il y avait encore une petite place pour mes câlins, donc tant mieux. Hein. J'ai contribué. Et alors, ce qui est quand même magnifique dans cette histoire-là, c'est que donc, ce chemin-là, je n'avais aucun objectif personnel. Je voulais juste rendre ce que j'avais reçu. Je voulais rien recevoir, j'avais déjà reçu puisque j'étais arrivée à Compostelle. Eh ben non, c'est dans ce chemin-là que j'ai tout reçu, en fait. Celui où je n'attendais rien, ben là, j'ai vraiment, vraiment reçu des cadeaux immenses qui me nourrissent encore aujourd'hui. Ben voilà, justement, au niveau de ma foi et au niveau de ma joie de vivre, de mon envie de communiquer, de partager, tout ça. Voilà. J'essaie de comprendre ce que tu dis. J'essaie de comprendre. Ben, donnez et vous recevrez. En deux mots, c'est vraiment ça, quoi. Mais ce qui est aussi marrant avec ton projet, avec toi, Sylvie, hein, donc Radio Camino, ouais, c'est ça, c'est que tu rameutes plein de gens derrière toi, quoi, avec toi. Ici, on se retrouve pour un pot du pèlerin, il y a des gens qui vont arriver. Moi, j'ai trouvé ça très chouette. Parce que quand on t'entend comme ça, on pourrait dire que tu te prends un peu pour une prophète. Oh, non, j'espère pas. Non, mais tu vois, genre, moi, j'essaie de... Enfin, je trouve qu'on est beaucoup dans un monde comme ça, où les gens sont là... il n'y a pas que des gens comme ça, mais il y a des gens comme ça aussi qui parlent beaucoup. C'est vrai que du temps de Jésus, on dit aussi qu'il y avait pas mal de prophètes. Hein. Mais tu vois, où... Oui, non, il y a quelqu'un qui m'a appelé la papesse du chemin. Je l'ai tournée en ridicule, parce que vraiment, ce n'est pas du tout ça. Alors, moi, je ne dirai jamais aux gens comment ils doivent faire. Je vais juste dire, voilà, moi, j'ai vécu ça à un âge où, franchement, ce n'était pas du tout... Le moment dans des conditions... pleine jeune maman, enfin, tu qui crée son entreprise, c'est pas le moment d'aller à Compostelle, quoi. Je veux dire, normalement, non. J'avais des genoux, mais tellement mal fichus qu'un orthopédiste m'a dit, madame, avec deux genoux comme ça, on marche pas. De toute façon, vous rentrerez après 3 jours, vous saurez pas marcher. Donc, il y avait tout qui se mettait un peu pour dire que ça marchait. Mais raconte n'importe quoi, souvent. Sur le coup, je l'ai un peu cru et j'avais la pétoche. Hein. Mais... En fait, si je me dis, si moi j'ai pu le faire dans ces conditions-là, alors juste je témoigne. Et puis les gens, ils en prennent ce qu'ils veulent. Et puis ils se disent, peut-être que moi aussi finalement, peut-être que je peux essayer un jour en fait, ou une semaine, ou pourquoi pas. Et peut-être que ça fera du bien, peut-être que... Voilà. Donc mon but, c'est vraiment pas dire ce qu'il faut faire, c'est juste de dire, voilà, moi j'ai fait ça, et si vous avez envie d'essayer, essayez en fait. Et puis si vous avez peur... Eh bien, venez à mon pot du pèlerin, parce que là, vous avez rencontré des gens qui l'ont fait. Donc moi, en général, dans les rencontres type comme ce soir, le pot du pèlerin, c'est les 2/3, les 3/4 de... Le pot, excuse-moi. Le pot, parce que la boisson, pas le pot où on récolte de l'argent, genre. Tu vois. non, les pots qu'on boit. Donc on va boire des pots, et en même temps, il y a les 2/3 de futurs pèlerins, ou 3/4 de futurs pèlerins, qui vont rencontrer quand même quelques anciens. Et on va faire un petit moment d'échange. Et puis, ils vont se regrouper naturellement par affinité et ils vont aller poser leurs questions. Et moi, en fait, en général, je me tais. Ils vont poser leurs questions à toi ? Ah non, justement, à ceux qui sont déjà allés à Saint-Compostelle. Ouais. Ce soir, c'est échanger. Ce soir. Alors, c'est toujours comme ça le principe. Et moi, je bois ma petite bière, je me mets dans un coin et je regarde. Et t'es saoule. Et je fais ce que je veux, mais, mais je ne parle pas. Parce qu'en fait, le but... Enfin, de toute façon, j'ai déjà plein de vidéos, donc s'ils veulent m'écouter, ils m'entendront. Je fais des conférences, voilà, oui, il y a cette émission, c'est bon, quoi. Ils n'ont pas besoin de m'entendre. Mais c'est quoi les conférences, du coup ? Alors, c'est ça, c'est de dire que je l'ai fait, vous pouvez y arriver, des trucs très concrets. Alors, voilà, ça peut être dans un... je suis dans un réseau féminin, et on va faire une conférence sur le thème « Une femme seule sur le chemin de Compostelle » pour inspirer des femmes entrepreneurs qui ont peut-être un moment, petit burn-out, ou en tout cas, plein de questions par rapport à leur projet d'entreprise. Bah, pourquoi pas avoir l'inspiration d'une entrepreneur qui est passé par là et qui a qui l'a fait. Voilà, c'est juste dans l'idée aussi que ça peut peut-être inspirer l'une ou l'autre. Mais quand on me le demande, quoi, je suis pas moi à pousser ça parce que voilà, ça m'amuse de rencontrer des gens. Mais quoi, c'est payant ? Non, c'est gratuit. Enfin, moi, je ne demanderais même rien. Comme ça, après celui qui organise, il fait ce qu'il veut. Mais l'idée, c'est que c'est moi, je donne ça. Tout ça. Pour le moment, tout ce que je fais pour Radio Camino, alors peut-être qu'un jour ça ne le sera plus, mais c'est gratuit parce que moi j'ai tellement reçu. Mais je reçois aussi beaucoup de gratitude quand les gens m'écrivent avec la photo de eux devant la cathédrale de Compostelle et qui me disent, tu sais, c'est parce que je suis venue au Pot du Pèlerin il y a 3 ans que je me suis mise en chemin. Beau, c'est vrai ce que tu dis. Il y a un monsieur qui était là, donc on se retrouve. C'est comment l'endroit ici ? Alors ça s'appelle l'ancienne maison. Voilà, l'ancienne maison, c'est un bar, quoi. Ouais. Hein. Et moi, je suis arrivée un petit quart d'heure à l'avance, et il y a un monsieur qui est arrivé un peu après moi, un peu à l'avance aussi, du coup, et on s'est rendu compte qu'on t'attendait, Sylvie, hein, donc pour Radio Camino. C'est un peu le code, Radio Camino, Radio Camino. Et le monsieur, tout de suite, a rentré en discussion, et j'ai vu quand t'es arrivé, t'as vu, il s'est levé. Oh. Il était amoureux, quoi. Oh, c'était gentil, attention, parce que si sa femme nous écoute. Non, mais je veux dire, il était, quand on dit. Il est devenu ami grâce au chemin et grâce. En fait, on s'est rencontrés, Olivier et moi, quand je revenais justement en train de faire mes free hugs, là, mes câlins. On s'est rencontrés à Carrion de los Condes, et lui, il était hospitalier chez les sœurs. Et il était, on m'avait parlé d'un Belge parce que Radio Camino fonctionnait bien puisque j'allais dans l'autre sens. Donc tous les gens qui étaient passés par Olivier me voyaient et disaient « Ah mais tu sais, il y a un Belge à Carrion. » Et donc je me disais « Ah, il faut que je rencontre ce Belge. » Et donc c'était comme s'il m'attendait. Il était à la terrasse d'un café et moi j'arrive avec ma jupe et mon petit panneau. Et puis j'ai dit « Ah, tu es le Belge. » Et puis voilà, on a sympathisé. De nouveau, on s'est vu que 10 minutes, le temps de boire une bière. Et puis on a gardé le contact. Puis comme il était Belge, moi aussi, on s'est revus, quoi, voilà, pour échanger sur le chemin. Oui, ça crée du lien, quoi. Ça, c'est important quand même. Aujourd'hui, dans notre monde, de pas être simplement... parce que on va dire que tu es une youtubeuse un peu, non ? Oh, une youtubeuse pour les vieux. Pour les vieux. Mais enfin, mais quel cliché. Alors oui, c'est vrai qu'il y a plus de personnes... Non, mais en plus, tu fais des 100 000 vues. Tu vois ce que je veux dire. Les 100 000 vues, c'est sur les pires vidéos. Et mais je veux dire... Il y a pas que tu... Et en même temps, on s'en fout des... Enfin, je veux dire, il y a des choses extraordinaires qui sont vues par 9 personnes. Enfin, je veux dire, c'est... Mais tu... Ça roule, ça marche quand même, ton truc, quoi. Oui, mais... C'est ça que je veux dire. Il y a des gens derrière toi, quoi. Il y a des gens autour de toi, non ? Oui, mais je veux pas que ce soit le culte de Radio Camino. Alors, j'aurais raté vraiment tout à fait mon objectif. Parce que mon objectif, c'est justement pas d'être... qui viennent pas pour moi, mais qui viennent parce qu'ils ont envie de se mettre en chemin. Ou qu'ils ont envie de partager avec d'autres. Et que ça essaime, et que plein de Pots du Pèlerin se passent partout en France, en Belgique. Sans moi, parce que je ne peux pas aller partout. Quoi, c'est toi qui as lancé le Pot du Pèlerin ou ça existait déjà ? Ça devait sûrement déjà exister, mais voilà, je crois qu'à Paris, il y avait une assos qui faisait ça aussi. Mais le concept n'est pas protégé. Le but, c'est en fait, c'est créer du lien. C'est exactement ce que tu dis. Moi, ce qui me plaît, et quand j'organise des journées de marche pour mettre les gens sur le chemin, c'est en fait que des gens se rendent compte qu'ils sont de la même région, qu'ils ont les mêmes attentes. Alors, ils ne sont pas du tout du même âge, du même sexe, du même milieu social. Ils n'ont pas les mêmes aspirations ni les mêmes convictions, mais ils se rencontrent. Et en fait, il y a des liens improbables qui vont se tisser. Et ça, c'est la magie du chemin. C'est qu'en fait, on est juste pèlerin. Et on n'a pas d'autre étiquette. On ne te demande jamais sur le chemin qu'est-ce que tu fais dans la vie. On s'en fout. On est juste pèlerin. Et ça, c'est pour moi hyper important de susciter des liens, mais en plus des liens tout à fait improbables à la base. Et Compostelle, pour moi, c'est un petit mot-clé qui rassemble les gens. et de des gens vraiment de tous les horizons. Donc ça, c'est un petit peu mon petit plaisir. En fait, si je dois dire qu'est-ce que je cherche avec tout ça, bah, c'est vrai que les gens dépassent leur peur et se mettent en chemin, c'est un point, mais qu'il y ait des liens qui se tissent dans cette société avec, justement, bon, on n'a pas une société trop cloisonnée, mais un peu quand même. Et ben voilà, quand tu cloisonnes... On n'est pas une société trop... Il bah, y a pire, si tu vas en Inde, il y a des castes carrément ici. Non mais bon, attends, attention, là aussi... Oh non, mais si tu prends ça, le train... Ici aussi, sauf que ça s'appelle pas caste. Des gens, tu peux rencontrer des gens, si tu te promènes dans la rue, tu peux parler à des gens. Je veux dire, il n'y a pas un interdit d'aller parler à... Bah, tu trouves que les gens se parlent dans la rue comme ça ? Moi, je parle. Moi, je dis bonjour à tout le monde. Oui, toi, je souris. Toi. Je fais presque des câlins. Bah, on aurait tendance à voir le monde uniquement de ses propres yeux. Tu vois un peu ce que je veux dire ? Oh, oui, bah, moi, ça reste positif. Moi, je suis une bisounours. Moi, je vois le monde avec les beaux côtés. Tu vois, je vais prendre le train. Je suis contente parce que j'ai parlé avec quelqu'un. Mais je ne vais pas me dire, oh, c'est moi, les gens ne se parlent pas. Non, je vais dire, c'est génial, j'ai rencontré quelqu'un. On a parlé tout le trajet. Voilà. Tu as une manière de regarder les choses plutôt, comment dire ? Un peu positive. Ouais, positive. Optimiste. Moi, je veux rester optimiste, quoi qu'il arrive. J'avais envie de te poser cette question aussi. Oui, t'es optimiste. Mm-hmm, tu sais. Mais comment tu fais avec ce monde Mais ce monde, il faut se mettre en chemin, tu comprendras tout de suite. Mais c'est vrai. Mais quand tu es sur le chemin, tu rencontres que des gens super bienveillants ou indifférents. Mais les indifférents, mais comment on fait pour changer ? T'es au courant que ça... C'est... Alors, c'est la merde. Moi, je marche. Je marche, tant pis. C'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. Mais je peux pas non plus porter toute la misère du monde. Ça m'a valu une dépression d'essayer de changer le monde. Alors aujourd'hui, j'essaie... Non, mais tout seul, on peut pas grand-chose. Donc moi, mon but, c'est semer tous les jours une petite graine. C'est pas de vouloir changer le monde. Je pense que ça, c'est... orgueilleux et ambitieux de ma part, je ne suis pas capable, alors je désespère. Donc j'arrête de vouloir changer le monde, je fais ma petite graine, mon petit colibri, et quand je ne vais pas bien, je marche. Voilà. Mais voilà, j'essaie de contribuer à ma façon, à mon échelle, tu vois, mais je ne suis pas... voilà. Il y a plein de manières de militer, tu vois, tu peux militer, tu peux investir, faire des projets, moi je vais juste témoigner, c'est déjà bien. Moi, je ne parle même pas de militer ou tout ça, mais d'avoir une conscience un peu politique quand même. Parce que, comment dire, je pense à Saint-François d'Assise, là. Mm-hmm. Ben, il a quand même mis toute sa vie au service des pauvres, quoi. Tu mm-hmm. vois, voilà, des gens oui. qui n'avaient rien. Mais c'est qui le pauvre, le lépreux, le rejeté À ces époques-là. Hein. À cette époque-là, voilà. Ouais. Aujourd'hui, c'est qui peut avoir peut-être une petite lueur d'espoir quand elle m'écoute, ben c'est une femme de 45 ans qui est en burn-out, qui en a marre de sa carrière. Alors ok, c'est peut-être pas la personne la plus défavorisée de la société, mais si cette personne-là, elle va mieux et si elle sait après se relever et contribuer à un monde meilleur, ben, tu vois, j'ai aussi posé ma petite graine. Voilà, je suis désolée si je ne m'occupe pas des SDF ou des gens malades. Mais non, mais il n'y a personne voilà. qui dit ça non plus. C'est simplement avoir une conscience mm-hmm. politique de mm-hmm. comment on joue dans ce monde. Alors, j'ai toujours cette idée, soit on ne regarde pas ça. Il y a des personnes comme ça. Non, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux. Voilà. Bah, alors, on ne peut pas se plaindre non plus. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a une autre manière qui est, ben oui, on regarde un peu comment ça fonctionne, et du coup, pour comprendre aussi la mécanique dans laquelle on est, ce qui des fois peut aider, quoi. Absolument. Mais par exemple, là, j'ai parcouru en novembre, pas de 2023, mais 2022, un chemin de croix, vraiment. Donc on était en novembre, je suis partie de Tournai, je suis allée à Paris à pied, pour me rendre compte à quel point il n'y avait plus de vivant, il n'y avait plus de biodiversité, il n'y avait plus de lieux où la nature avait de la place, parce que ça, c'est vraiment un thème qui me touche énormément, c'est l'érosion de la biodiversité et la disparition du vivant. Tu le vois sur tes chemins ? Bah, évidemment. Et alors, ce chemin-là, il n'y a pratiquement plus de vivant, quoi. Comment tu le vois ? Bah, parce que soit tu traverses des friches industrielles, soit tu traverses des villes, soit tu traverses des champs de monoculture pour faire du colza, pour faire du biocarburant traité, architraité. Il n'y a plus des petits sentiers dans la forêt ? Ah, il n'y a pas de forêt. Et la seule forêt, c'est Fontainebleau. Et tous les arbres sont en train de hurler de mal. Et tous les hêtres se dépouillent. Et plus que le dessus. Et moi, je vois les arbres qui pleurent. Je pleure avec eux. Je sens l'arbre qui pleure. Tu vois, ma conscience, elle est peut-être plus à ce niveau-là que pour les humains, je m'excuse. Hein. Mais voilà, on a tous nos sensibilités. Je veux dire, j'aime beaucoup les humains, d'ailleurs, c'est pour ça que je les embrasse. Mais moi, ma vraie prise de conscience, c'est par rapport à mais où est la nature, où peut aller le vivant, où peut aller la... Enfin, on est fou, quoi. On bétonne tout, c'est horrible. Et il faut pas se dire que les petits chemins de Compostelle sont... Oui, il y en a qui sont dans des jolies petites montagnes, mais il y en a aussi quand tu passes à travers tout. Moi, j'ai traversé la France d'est en ouest, donc du Mont-Saint-Odile, Strasbourg, au Mont-Saint-Michel. Je peux dire que quand tu traverses la Champagne agricole, puis la Beauce, et la région parisienne... C'est le nord de la France, quoi. C'est pas une petite rando jolie, hein, c'est l'horreur. Mais tu te rends compte à quel point l'homme a détruit tout le vivant. Et donc, je vais marcher aussi pour prendre conscience de ça. Après, des fois, j'ai juste plus envie de me plomber le moral, tu vois. Et ouais, parce que toi, ça te plombe, ça. Clairement, et s'il n'y a plus de vivant, ça me plombe, oui, ça me plombe. Mais on peut être fâché, en colère, mais pas forcément, comment dire... Moi, ça me donne envie de m'engager pour la biodiversité. Alors, après, ça, c'est encore autre chose. Peut-être la prochaine étape. C'est complètement... Radio Camino. C'est complètement en gestation, mais de façon extrêmement concrète. Donc, bien sûr, oui, parce que je ne marcherai pas toute ma vie. Et j'espère un jour me poser quand même, avoir la sagesse de ne plus avoir besoin de marcher. Et ce jour-là, je me consacrerai entièrement à préserver... un espace de biodiversité, pas grand, mais de faire ma part aussi pour le vivant et pour la nature. Je pense que c'est une belle conclusion, ça, non ? Ouais, c'est une belle. T'as envie de terminer comme ça ? Bah, c'est super, non ? Allez. Merci à toi, hein, Sylvie, du coup. Merci à toi de m'avoir invité. C'est vraiment magnifique d'avoir cette chance d'être à l'antenne avec toi et vraiment plein de belles choses pour ton podcast et ton émission. C'est le tien aussi, hein. Merci.